Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Et bonsoir à tous. Vous êtes dans les bons crus avec les sommeliers du rap. Salut, salut. Salut. Simon, Julien, moi-même Jérôme. Retour à la maison. C'est la rentrée. On est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée? On avait dit qu'on faisait une petite récolte, non? C'est bah ça, ouais, c'est la récolte. On reprend sur des bonnes bases, bien solides, la récolte. On vous avait quitté en juin dernier et puis vous nous avez peut-être suivi cet été sur Ola Radio pour des émissions spéciales. Mais là, on reprend la formule habituelle. Donc la récolte, les nouveautés, hein, tout simplement. Ouais. Les nouveautés, bon là, ça va plus forcément être très nouveau vu que pour certains, on est remonté jusqu'à ce qui est sorti cet été. Il y a quand même des trucs qui nous ont pas mal marqué. À savoir que cet été, on ne faisait pas de récolte du tout. On faisait des thématiques, donc du coup, ce n'était pas forcément des morceaux qui étaient sortis. Donc ça ne fait pas de mal finalement de faire un petit reminder sur ce qui avait été sorti cet été. Mm-hmm. Et puis si vous n'avez pas écouté de rap de l'été, voilà, vous aurez au moins les grosses sorties, les trucs qu'il ne fallait pas louper. Je crois que Simon, tu voulais ouvrir le bal. Ouais. Alors moi je vais ouvrir le bal, donc c'est vrai que j'ai pris quelque chose qui est sorti il y a assez longtemps, mais je l'ai écouté tout l'été, je l'écoute encore aujourd'hui, hein, donc bon, ça reste dans le thème hein, de la rentrée. Donc j'ai choisi Octavian, le rappeur anglais, et je me rappelle avoir fait l'émission avec toi Jérôme, Julien, t'étais pas là, sur le rap anglais. Et on a annoncé la sortie de On a annoncé la sortie, je crois que c'était le lendemain, et je me posais beaucoup de questions, je me disais est-ce que je vais aimer, enfin j'attendais vraiment ce projet en fait, ouais. Et ben je l'ai vraiment beaucoup écouté cet été. Mais en fait, c'est parfait que tu aies choisi cet artiste parce que ça reprend exactement là où on a laissé l'émission au mois de juin. Voilà, fil conducteur sans le vouloir. Mais ouais, Octavian, j'ai beaucoup écouté son album. Donc, il y a des sonorités très différentes dessus. Donc, ça peut aller d'un synthé très années 80 à de la house, à un gros banger, à de la grime. Et tout ça sur un condensé de, je crois, il y a 11 titres, je crois. Donc... Et pourtant, le tout est un ensemble, je trouve, assez cohérent. Alors, on va rappeler quand même le titre du projet, donc ça s'appelle Endorphine. Ouais. Forcément, ça donne un peu le ton aussi de, oui. Du projet. Du projet, qui ouais, passe par plein d'émotions, mais qui est quand même très, très rythmé. Très, Ouais. Et la pochette aussi est très colorée, un petit peu spéciale. Je sais plus quel artiste a fait la pochette, mais c'est une espèce d'œuvre d'art moderne, en fait. Et ouais, Octavian, il va puiser dans plein de styles différents. Une chose qui peut l'expliquer peut-être et son attrait pour la musique électro, pour la house, c'est que avant de faire de la musique, il a été un peu un dealer de rave party, et il a surtout traîné dans des raves où il y avait de la drum and bass ou de la bonne grosse UK garage. Et voilà, donc je pense que toute la musique électronique, toute la musique électro, ouais, en Angleterre quand même, ils sont il y a une grosse culture. Donc là, on va écouter le morceau qui s'appelle King Essie. Donc King Essie parce qu'en fait, il fait partie du Essie Gang. Et il est un peu, le boss du Essie Gang. Donc on ne sait pas trop encore ce que c'est, mais disons que c'est un collectif de rappeurs qui gravite autour de lui. Donc voilà, on va écouter le morceau King Essie. Balls, what can I say? I'm smoking doobies every single day. I got big bank balls, I pull it in your face. I'm getting paper every single day. Big stack, big what, I put it in your face. When the gang comes, run away. Just run away. These men, they wanna take my place, what can I say? Oh man, they wanna be King Eze. King Eze, I just wanna sell it. Celebrate, too much on my plate. I got killers, I got real killers. King Eze, King Eze, King Eze. All I care about is the money. All I ever think about is the money. Get them bands, man. Bands, bands. I just get the Benz and then I hit the Zalmans. Come with me, get the Benz, man. Get the Benz. I just get the Benz and then I hit the weed, man. King Izzy, I just wanna sell it. Celebrate, too much on my plate. I got killers, I got real killers. King Izzy, King Izzy, King Izzy. King Izzy, I just wanna sell it. On my plate. I got killers, I got real killers. King Izzy, King Izzy, King Izzy. All I care about is the money, money, the money. Wanna stack it up, stack it, get the money. Come be my baddest, tell you my secrets. Come be my baddest, something about it makes it a habit. And we don't need no true size, we can move right how you want. No, you don't need to be shy when you are shine all the others. Come be my baddest, tell you my secrets. Come be my baddest, something about it makes it a habit. Side, like, why you gotta be like them guys? I choose you, so you better move right. TikTok time's ticking my wristwatch. Waste my time, I do think not. I'll bang you like bish bash bosh. Use a big man's posh in my old man's mosh. Don't give a toss, so don't try tempt C. I just want a guy that can deal with me. Emma roll roll, I'll be in the Grand Prix. Old school G like temper team, my temper's clean. Wanna attempt to beat with me? Prepare to meet my whole rockstar team. Any which way, tell him again, Nadine. Yeah, we do pop, or you'll get popped on a gram hot drop. Baddest, tell you my secrets. Come be my baddest, something about it makes it a habit. And we don't need no true size, we can move right how you want. No, you don't need to be shy when you are shine all the others. Come be my baddest, tell you my secrets. Come be my baddest, something about it makes it a habit. And we don't need no true size, we can move right how you want. No, you don't need to be shy when you are shine all the others. B.I.B.I. I want a little piece of you. Want a big piece of zoo. You're a beauty, but I need meaning to. Is it your side that a man's leaning to? Choose wisely, cause I need a longevity. I ain't shallow cause I got very deep. Build a vibe, I'll make you catch Z's. Like you ain't lost any sleep. Need a bad gal with a little halo ring. In the issue, I fly through on a pave loading. Stay blue, cause I know that you hate those fibs. Hold you down, but it ain't no myth. Nah, it ain't no legend and that. Yeah, I'm done with finessing and that. Yeah, I'm looking for the blessing, in fact. More than pressing in flats, I'm forgetting that stack. Tell you my secrets. Come be my baddest, something about it makes it a habit. And we don't need no true size, we can move right how you want. No, you don't need to be shy when you are shine all the others. Come be my baddest, tell you my secrets. Come be my baddest, something about it makes it a habit. And we don't need no true size, we can move right how you want. No, you don't need to be shy when you are shine all the others. Et vous êtes toujours dans les bons crus, et c'est toujours la rentrée des classes. Exact. Retour à Radio Campus. On retrouve notre petite virgule, Mos Def. On connaît. Ski Beat. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Julien? Donc, c'était le morceau que tu avais sélectionné. Ouais, j'ai commencé par ce morceau. J'ai pas fait exprès de me caler avec Simon, mais du coup, c'est un morceau, c'est un remix qui a été fait par Sir Spiro. Et c'est le groupe s'appelle M.O.I.M.O. C'est un groupe en fait de R&B anglais qui est un peu en train d'exploser en Angleterre. Parce que c'est là, par exemple, leur deuxième single, à peine le deuxième single, qui s'appelait Bad Vibe, il a été dans le top 20, il est déjà platine. C'est la nouvelle sensation là-bas. C'est que des filles dans le groupe, c'est... Ouais, c'est que des filles, ouais. Ça a été reconnu par Trench Magazine, The Father, la BBC Radio 1 et tout ça. Et là-bas, c'est vraiment un truc de fou. C'est en train de péter. C'est pas ce qu'elles font comme type de musique, c'est pas ce qu'on a écouté là. Elles font plutôt. On va me dire, c'est plutôt de la Zumba, mais anglaise, tu vois. C'est un truc, non, mais c'est un truc à la mode, quoi. C'est du R&B un peu pop, un 10.0, peu... quoi. Tu vois ce que je veux dire? La pop urbaine. Ouais, voilà, pop urbaine, R&B, machin. Ouais. Mais elles ont quand même des fois des quelques influences grime UK et tout ça, et même des trucs un peu drill des fois qu'on peut retrouver, et c'est cool. Mais moi, je l'ai trouvé parce que j'ai trouvé ce groupe-là, que je me suis intéressé après, parce qu'en fait, sur Spotify, le dernier single de Sir Spiro, que je suis donc sur Spotify, c'était ce morceau-là. Et Sir Spiro, je fais rapide, hein, mais c'est un mec qui faisait partie du Rough Squad. Je sais pas si tu connais, c'est un groupe anglais, donc qui était composé avec des gens que tu vas reconnaître, Tinchy Snider, tu connais ou pas? Non, oui, même pas. C'est mec Rochi et Prince Rapid. C'est un crew fondé en 2001 par Chiffy Ridos. Et c'est en fait c'est des jeux à l'époque, hein, en 2001, qui avaient été lancés par Wiley. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment. C'est des petits de Wiley, qui est Wiley déjà du coup finalement un ancien. Et donc d'où le lien avec la grime. En fait, eux, ouais, c'est des mecs à fond de, ouais, c'est des anciens de la grime, et, ouais, et il a remixé. Ouais, il a remixé donc ce morceau-là qui est c'est comme si je sais pas, il y avait un truc de fou qui, enfin une. Allez, quand je serais un Big Flo et Oli, tu vois, un truc qui est bon, pas à mon goût en tout cas, mais qui était remixé par un mec qui faisait de la trap maintenant, qui ferait un remix un peu trap, tu vois, par Icas Boy. Non, par exemple, par Monsieur Dola, tu vois, par exemple. Tu vois. Ouais, ah ouais, ce serait fou. Monsieur Dola, il prendrait plutôt un truc, ouais, tu vois, pop ou un truc comme ça, tu vois, mais un truc pop qui passerait maintenant, j'en sais rien. Si Laurie, tu vois, elle sortait un truc maintenant, il serait capable de le remixer, quoi, tu vois. Comme il y en avait qui avaient remixé Britney Spears, le Toxic, tu sais, à l'époque il avait pas mal été remixé, tu vois, donc ça c'est... Ouais, je vois l'idée. Dans ce genre-là. Mais c'est vrai que, en ce moment, en Angleterre, il y a énormément de ponts entre la drill, la UK, ouais, drill, qui est très sévère, qui est très dure, et tous ceux qui sont plus allés vers des sonorités afrobeat. Exact. Mais elle, c'est afro. Bah, toi, franchement, je vais pas te qualifier de Zumba, parce que pour moi, c'est le rythme qui est un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le côté afro. C'est le côté. Voilà, je rectifie. C'est plutôt côté afro. Mais c'est bien fait. Elles sont pas mauvaises. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et après, c'est un truc commercial. Mais je trouve que ce remix, je l'ai écouté cet été. J'ai kiffé. Donc, elle s'appelle comment déjà ce. M.O. M.O. M.O. Ça marche. Alors moi, je continue la récolte aussi de mon côté. Et déjà, on va quitter l'Angleterre, direction la Belgique. Et je vais vous présenter mes nouveaux rappeurs belges préférés. Ah. Ça va te plaire. Te plaire, parce que là, on est sur une influence Memphis, Houston. Allô. Les mecs, ils citent... clairement, les instrus, c'est du devil shit. Enfin, ouais, dans ce style-là... Trisic Mafia et compagnie. Bah, je connais pas, du coup je vais kiffer, je pense. Ouais. Ouais, et donc ça, c'est au niveau des instrus. Et après, au niveau des paroles, ils vont même citer un mec comme il s'appelle, de Houston, là, celui qui donne son numéro. Mike Jones. Ils, ouais, citent du Mike Jones. Enfin, ils ont plein de références comme ça. Au niveau des films, ils vont citer d'autres films un peu que les Sopranos et pas Sopranos. C'est la rentrée, Jérôme, il cherche ses mots. Je cherche mes mots. Scarface, New York, voilà, ils vont citer autre chose que Scarface, et ils sont plutôt dans l'impasse ou d'autres films comme ça. Enfin voilà. Donc d'autres références. Donc pour du rap français, francophone en tout cas, ça change un peu l'univers. Donc ça s'appelle, le mec s'appelle Charlie Kidd. Et le son que tu as passé, c'était sur un projet. Alors le projet est sorti, ça s'appelle 4 roues motrices. Okay. Donc il est avec Max V. Incroyable. Et le délire, là où ça va encore plus loin, c'est qu'ils ont un graphiste dans le crew qui fait du pen and pixel, qui s'inspire, ouais, de ça. Ouais. Donc toutes les pochettes du sud des États-Unis, très brillantes, avec des montages pas possibles, un peu kitsch, etc. Parfait. Et le label, c'est Citadel Lost Kids. Donc, il y a d'autres groupes dessus, notamment Justice League. Oh putain. Incroyable. Et c'est des mecs de Namur, voilà, en Belgique. Et le morceau, franchement, j'arrête pas de l'écouter. Le single s'appelle Yes, mon jeune. Ouais. Et c'est, franchement, c'est, l'instru est mortel. Les paroles sont bien placées, bien drôles. Et en même temps. Voilà, les mecs, ils font un peu les bad boys et tout. Enfin, c'est moi, ça me parle. Il y a de l'attitude, quoi. C'est yeah. Donc toi qui n'aimais assez peu le rap belge, je suis moins friand. Julien, ouais. Là, je pense que ça va te parler. Le 4 roues motrices, imagine la pochette, un 4x4 avec des diams partout. Des petits. Un Jeep genre couvert de diams. Bien, ça a l'air bien. Voilà le programme. Il y a genre 7 titres et franchement c'est mortel. Street sweeper like a broomstick. Trigger Maxo Walker Flocker. Killed your partner, you ain't do shit. I'm a on murder block. From the sun up to the sundown. Dirty on my clock. If you run up, you get gunned down. Serving out my shop. Better hurry before I run out. Heard you with the ops. Get you with them, you get gunned down. Like what's cracking, bitch? Call me Max and Tex. Nick Van Axel clips. Dropping shit. Sliding with the stick. Like it's hockey, bitch. Microwave over red and vodka popcorn popping shit. Jigga dame. Chopper Rockefeller. Houston Rocket, bitch. I'm on murder block. But the phone park gorillas. We got your homie shot. And you still ain't try to kill us. Overheard the ops. Say they green click killer. What they talking about? They ain't kill no cream click nigga. Tow banana clips. Catch a monkey slipping, then we kill him. We lurking on his block. Why he lurking on my Twitter? Draco baby chopper. Pull up to his casa. We can't find him. Tryna hide no problem. We gon' pop his mama and his papa. Shoot my dupla oblongata. Hit your noodles. Spill your pasta. They don't really want no problems. Ask them how we did they pot. Go dig your homeboy up. I bet he can't say shit. And if you looking for me, I be with them four part cribs. I'm on murder block, from the sun up to the sundown. Dirty on my clock, if you run up, you get gunned down. Serving out my shop, better hurry before I run out. Heard you with the ops, get you with them, you get gunned down. Like what's cracking, bitch? Call me Max and Tex. Nick Van Axel clips, dropping shit, sliding with the stick, like it's hockey, bitch. Microwave over red and vodka popcorn popping shit. Jigga dame, chop a rocker. 7 a.m. I wake up to the green, pick up my phone, hit Max O'Cream. 30 grips, pack the heat, sipping up promethazine. Hey, leave me alone, buster. Don't get me fucked up. Better leave me alone, brother, before I get you touched up. We gon' hit your auntie, uncle, and your cousin, mother. It's the jungle, keep them killers with us like no other. What's in the backpack, Max? Sit in that shit. Couple riders with that rat, make them back flip. Leave them hanging off a roof with a bad grip. All my niggas, it's the truth, got a bad click. Came from the hungry hand, fuck them pigs, got us jam. Under the bastard, leave them ghosts like the clan. Bout to the ratchets, clear this shit like Pakistan. Kids out for the cheesecake, like making a bang. I'm on murder block, from the sun up to the sundown. Dirty on my clock, if you run up, you get gunned down. Serving out my shop, better hurry before I run out. Heard you with the ops, get you with them, you get gunned down. Like what's cracking, bitch? Call me Max and Tex. Nick Van Axel clips, dropping shit, sliding with the stick, like it's hockey, bitch. Microwave over red and vodka popcorn popping shit. Jigga dame, chop a Rockefeller, Houston Rocket, bitch. Et le contraste est total entre la virgule et le son. Alors, on vient d'écouter Murder Black, donc c'est Max O'Cream, un rappeur de Houston. Et donc, il a sorti un album mi-juillet. Donc, c'est son. Il a déjà plusieurs projets à son actif. Il a commencé à rapper début des années 2010, je crois. Et donc, là, l'album Brandon Banks, c'est en hommage à son père, en fait. Ouais. C'était le blast de gangster, en fait, de son père. Il s'appelle pas vraiment comme ça, il avait un nom un peu imprononçable en nigérian. Et du coup, Brandon Banks, c'est le nom de son père. Et sur la pochette, il y a la moitié du visage de Max O'Cream, la moitié de son père. On voit qu'il y a des grosses ressemblances. Oui, c'est clair, ils se ressemblent vachement. Un visage assez dur, je trouve. Et donc, le son Murder Black avec A$AP Ferg, qui je trouve fait des super featuring en cette année 2019. Je trouve qu'il fait des apparitions intéressantes. Moi, je trouve très chaud en ce moment, A$AP Ferg. Là, il est méga agressif dessus. Il nous lance des. Mais là, c'est le morceau un peu banger de l'album. Parce que on disait hors antenne avec Julien qu'il trouvait l'album un peu plus mou par rapport à ce que tu as l'habitude d'entendre d'un Max O'Cream. J'ai moins aimé, ouais. Après, si vous avez aimé cet album de Max O'Cream, il y a une super analyse de cet album par Mugen. Il a fait un spécial, une émission. Ouais, dans la potion de Mugen. Ouais, le druide. Voilà, et donc vous allez voir Mugen le druide. Enfin, bref. Il explique bien cet album. Très intéressant. Et donc, cet album, moi, contrairement à Julien, moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais pareil. Je connais peut-être moins. J'ai commencé à écouter Max O'Cream avec son dernier projet. Enfin, pas son dernier projet, du coup, le précédent projet. Et non, moi, j'ai kiffé en tout cas. Et on retrouve en fait son père aussi sur des petites interludes, des petits skits comme ça sur l'album où il lui parle, donc en fin ou en début de son. Donc ça fait aussi un petit fil conducteur. Voilà. Ouais. Moi, je vous recommande en tout cas l'album Brandon Banks de Max O'Krim. Julien, la suite. Alors, moi, on va retourner encore en Angleterre pour le coup. Voilà. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Double S. Je ne sais pas si tu connais, Jérôme. Non, pas non plus. Non, non bon. Plus. C'est un rappeur, je vais faire rapide, hein, un rappeur de grime, mais vraiment un rappeur de grime pour le coup, qui vient de North London. Il fait partie du groupe Grime Marvel. Je ne sais pas si tu... Non, tu ne connais pas. Ouais. Il a grandi à Northumberland, qui est non loin du quartier de Tottenham. En 2005, c'était considéré comme un des plus grands espoirs de la grime. Donc, je te parle pas d'un mec qui maintenant il a quand même un certain âge une certaine notoriété dans la grime en tout cas. Ouais. Là-bas, et il continue à sortir des trucs de grime, un peu comme Wiley pourrait le faire maintenant, même si Wiley s'oriente plutôt vers de l'afro. Je sais pas si t'as écouté ces derniers trucs. Ouais, Wiley, ce qu'il fait, hein, c'est plus trop de la grime. Là. Voilà, c'est ce que je te dis. Ouais. Mais lui continue dans son album Double S. Là, l'album s'appelle The Biggest. C'est sorti le 4 octobre, donc c'était là il y a pas longtemps. Et il y a un morceau avec Skepta qui est pas mal. Mais c'est pas celui que j'ai choisi. Le titre il s'appelle On The Road. Je vous conseille d'aller écouter si vous aimez la grime. En tout cas vous serez pas déçu par cet album. Ok, et lui c'est un peu le mec qui défend qui ramène à la grime traditionnelle, ou Non, c'est grave modernisé. C'est hyper moderne. C'est pas la grime que tu pouvais écouter à l'époque de Dizzy Rascal ou des trucs comme ça. Mais il l'a fait à sa façon. Mais il reste quand même, pas sur tous les titres, mais il fait un peu de tout. Tu vois, il fait un peu de drill, il fait un peu de trucs, mais il reste quand même avec quelques morceaux grime. De toute façon, tu vas l'entendre dans sa façon de rapper. Dans sa façon de rapper. Pure grime. Ok, c'est parti. Trackers. Yo, IG, I feel be easy on the roads, you know. Easy, yeah. Man, them came from the roads, man, them came from the roads. But you can't really shout your postcode if you know you ain't on the roads. There's too many snakes on the roads that chat to the jakes on the roads. So you can't move bait on the roads, you can't move bait on the roads. Man, them came from the roads, man, them came from the roads. But you can't really shout your postcode if you know you ain't on the roads. There's too many snakes on the roads that chat to the jakes on the roads. So you can't move bait on the roads, you can't move bait on the roads. Know where I'm going, can't know where I'm from. Man, them re-up and they get that gun. Gotta move fast, cause they set back long. Yeah, they make drinks and they tech that strong. Too many gal in the LON done. Name ain't Steph, but they looking at a dun. Even with them, you gotta roll with protection. But if she's not a con, just roll with a dumb. Nowadays, all of the youngers are hungry. It's wild out here, you can never get comfy. Gas more time, cause they roll with the pumpy. Ain't shit, them boy, we do it for a monkey. Ambush niggas, get a place all jumpy. Boy, them lurk when the man do fuckery. Tag names all on the wall like Humpty. Pee from the road and they're doing it for mumsy. Man, them came from the roads. Man, them came from the roads. But you can't really shout your postcode if you know you ain't on the roads. There's too many snakes on the roads that chat to the jakes on the roads. So you can't move bait on the roads, you can't move bait on the roads. Man, them came from the roads, man, them came from the roads. But you can't really shout your postcode if you know you ain't on the roads. There's too many snakes on the roads that chat to the jakes on the roads. So you can't move bait on the roads, you can't move bait. Man, that man stay calm, don't say nothing when the boy them calm. Only the real ones, they know Wagwan. Good hearted but been bad from barn. If that's your act, gotta greet him salam. Pride and ego makes everything long. Too much love, they would do you wrong. Everybody preach you when you get on. It ain't sweet over here, brother, you can old con. But you know a couple man that bust it. If it brings it back to you, brother, don't touch it. Y'all wanna do wifey in public, but if it ain't long term, then I don't trust it. I'm getting older now, trying to make my mom see I'm like Hover now. I had love for a brother, he's a cobra now. But other brother be pulling up in a Rover now. Man, them came from the roads, man, them came from the roads. But you can't really shout your postcode if you know you ain't on the roads. There's too many snakes on the roads that chat to the jakes on the roads. So you can't move bait on the roads, you can't move bait on the roads. Man, them came from the roads, man, them came from the roads. But you can't really shout your postcode if you know you ain't on the roads. There's too many snakes on the roads that chat to the jakes on the roads. So you can't move bait on the roads, you can't move bait on the roads. Thank you. You can act stupid if you want to. Never play by the rules, do just what I want to. Came up in this bitch, tongue got wet out of front too. Now who they say is number one influence, so he number two. Yeah, he dance good, but guess where he got the moves. But compared to me, look like he wear two left shoes. Boy, I treat them love verses like the restroom. Take my hand and dance with the devil. Oh boy, you in trouble. Rattle the lion cage. Oh God, strike you down while you're praying on stage. Shit at your burial, smoke squares at your grave. Then repent for my sins like God, I'm saved. He always forgive, later on I forget. I had my fingers crossed, so I'm back on that shit. Catch another body, but a song get mixed. The bullets is the lyrics, turn the rapper to a spirit. Sing it with the angels, nigga long gone. Your song's like Bishop Eddie Long with a thong on. Nigga, I'm the wrong one to front on. My balls on her Kit Kat, now she playing ping pong. Nigga, that's the thing, song for bitch ass niggas. Got a little richer, now they head all bigger. Nigga, that's the thing, song for bitch ass niggas. Got a little richer, now they head all bigger. Listen here, little Richard, I don't know what got into you. Did more for the game than you. That's why I had to cut into you, you need to be checked. Little niggas need to learn some respect. When your shows like the Rockets with some major rest, give me a mic and a DJ and I'm set. Cause these bars on deck and gotta shake my ass. You the real definition of ants in your pants. Got a son, little niggas, no child support. Sorta like the bad boys up against George. But nigga, you ain't scoring, not on me. Wrote this 101 knee, R.I.P. to P. Taught me to keep it real, stand on my own. If I got to, rock a nigga brain with a nose on. No time for the gimmicks, and I ain't got a lot when I say I'm independent. Nigga, that's the thing, song for bitch ass niggas. Got a little richer, now they head all bigger. Nigga, that's the thing, song for bitch ass niggas. Got a little richer, now they head all bigger. Et on vient d'écouter Danny Brown. Danny Brown qui vient de sortir un album. Mais franchement, ça ne ressemble pas du tout à du Danny Brown, je trouve. Ah, très classique. On va en très... parler. Ouais, non, je ne suis pas d'accord. Déjà. Bah, si. Non, mais dans sa façon de rapper, oui, mais dans le choix de l'instru... Bah, en fait, c'est ça. C'est que, bon, déjà pour présenter un peu Danny Brown, c'est un rappeur un peu excentrique qui a eu toujours un personnage un peu loufoque. Le mec, on se souvient de sa tête avec sa dent cassée. Ouais. Tous les trucs. Ah, mais il mettait la guerre avant. Les abus de drogue, les trucs complètement psychédéliques. Donc, rappeur de Détroit. Il était assez proche d'ailleurs de TD. Il a fait pas mal de morceaux avec Schoolboy Q. L'autre, Absoul aussi. Voilà, donc. Et il avait toujours deux côtés un peu. Côté soit il faisait du revival boom bap là, un peu comme ça sur des instrus un peu soul avec des boucles comme ça très très vinyle quoi, ou des sons complètement club genre bourrin ou sur des instrus délirantes. Il a fait des trucs avec Alchemist totalement barré. Mais là ça faisait un moment non qu'il était un petit peu en retrait, non? Là ça fait je sais pas combien d'années qu'il avait pas sorti d'album. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. C'est un bon moment, ouais. Et donc là, c'est son retour. Bon, il a pris de l'âge. Il s'est coupé les cheveux. Il s'est coupé les cheveux, il s'est fait refaire les dents. Oh. Ah oui, oui. Parce que ça moi, je me rappelle de voir on sa tête. On n'apprécie pas. Moi, j'aimais bien que ses dents cassées. Ah, c'est vrai qu'il avait une gueule, mais quoi. C'est comme si... Mais il faut aussi lui céder du bonheur à cet homme. Laissez-le évoluer un peu. Enfin, c'est comme si ODB, je sais pas, il était redevenu pour moi, voilà, clean et qu'il fumait pas, il se droguait pas, ça serait nul. Danny Brown, pour moi, c'était un peu mon nouveau ODB, tu vois. Bah grave. Il était des gens comme ça. Mais en plus, avec des flots de dingue à chaque fois. Il va chercher des flots. Mais il est trop fort. Mais... perché, ouais. très perché. Mais même musicalement, hein, parce que des fois, son dernier album, c'était quand même des fois inaudible. Enfin, ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'était ça le problème. Et là, l'album s'appelle You Know What I'm Saying, tout attaché. Et c'est produit en direction artistique par Q-Tip, le mec de Tribe Called Quest. Ouais, bah, c'est pour ça que ça pue la défaite, quoi. Enfin, Les gros mots. C'est pour ça que moi j'adore cet album, parce que je l'écoute du début à la fin. Tribe Called Quest, ce n'est pas écoutable, ce n'est pas possible. Non, je suis désolé, les amis, pour moi, mes oreilles n'écoutent pas Tribe Called Quest. Carton rouge. Ouais, je me tais, mais juste, c'est. Non, liberté d'expression. C'est pour ça que je n'ai pas aimé ce titre. Voilà. Par contre, voilà, donc du coup, moi, ce que j'ai apprécié justement. C'est qu'on a des instrus où c'est cohérent du début à la fin, et en même temps je les trouve stylés, moi. C'est certes on reste sur un boom bap revival, mais en même temps c'est pas des instrus que j'ai déjà entendus personnellement. Même rythme tout le long, hein. Oui, par contre c'est des instrus qui bougent pas tellement, enfin, mais c'est pas des trucs, pour moi il y a quand même une petite nouveauté. C'est moi je trouve ça frais, c'est chill, et à côté ça laisse toute la place au flow et aux accentuations de Danny Brown. Danny Brown, c'est un mec, genre, il commence à rapper, je sais pas ce qu'il va faire après. Il a pas un flow monotone. Là, sur la chanson, le refrain, il est trop marrant. Il dédie ça aux bitch-ass niggas. Enfin, c'est genre, enfin, tu vois, c'est tout son esprit. Tu vois, il a beau être, je pense, c'est un daron maintenant, il est posé et tout. Il a sa coupe de daron, les dents toutes droites et limite acteur de sitcom maintenant. D'ailleurs, c'est un peu les couleurs qu'on retrouve, genre des vieilles sitcoms un peu blaxploitation, dans ces ambiances-là, sur la pochette. Et en même temps, dans les textes, dans les trucs, c'est hyper autobiographique et il m'amuse tout le temps. Enfin, je m'ennuie pas. Moi, je m'ennuie pas, non, grâce à Danny Brown. Ses textes sont très bien et sa façon de rapper est très bien, mais je trouve ça gâché, en fait, son talent de le mettre sur des prods. Désolé pour moi, mais moi, je le trouve chiante, en fait. Hein. Après, t'as écouté l'album ou non, tu te bases juste sur ce morceau-là? Ah ben, si l'album il est produit par Q-Tip, autant te dire que je ne vais pas l'écouter seule seconde. Et c'est pas possible. Moi, j'ai écouté l'album et les prods, je suis un peu d'accord. C'est pour moi ça. Toi, t'as trouvé ça? Ouais, tu m'avais dit. Ce qu'on a dit, ouais, en fait c'est surtout les prods, c'est vrai que les prods sont très très classiques. Pour moi c'est un gros kiff, en tout cas, de le retrouver comme ça, et je suis content de voir qu'il est toujours en forme. Après, voilà, il y en a qui seront déçus par l'ambiance des prods qui sont ce truc là, c'est comme du Marmite, il y en a qui trouvent ça bon, c'est dégueulasse, quoi. C'est pareil, quoi. Les Anglais qui trouvent ça bon. Bon, mais écoutez, je propose qu'on passe à un autre artiste polémique. Okay. Le choix de Simon, comme ça. Alors, je vais pas être le seul à me faire casser du sucre sur le dos. Ouais, mais là, sur la musique, je pense que ça va. On est à peu. Enfin, disons que c'est moins divisé. Bon, donc, l'artiste, c'est. De qui on parle déjà? Ateyaba, donc anciennement Joke. On avait déjà parlé, mais dans l'émission de cet été. Mais Joke, donc en fait, là, il fait un peu des trucs énigmatiques. Il nous balance des sons. Une fois tous les deux mois sur YouTube, ni sur les sur aucune plateforme de streaming. Donc voilà, c'est le son PDRB qui est sorti cet été. Donc il sort ça un peu épisodiquement. Il doit sortir un album quand même là prochainement, avant la fin 2019. Ouais. C'est ce qu'il avait dit il y a déjà 4 ans. Oui, ça fait longtemps. En fait, pour que les gens comprennent pourquoi on rigole, c'est que Ateyaba, qui s'appelait Joke, il devait sortir un album qu'il n'a jamais sorti. Il s'appelait Ultraviolet. Son album est c'est aussi dommage. Visible. Non, franchement, honnêtement, c'est dommage parce que c'est un bon rappeur. Après, mais bon, c'est devenu un peu une blague. Mais à mon avis, il peut quand même faire un retour fracassant s'il le gère bien. Clairement, je trouve que les derniers morceaux qu'il a sortis, c'est Vision était pas mal, mais après le reste, c'est en dessous de ce que j'attends de lui. Après, il a un gros potentiel. J'avais lu une théorie qui est intéressante. Je sais plus qui a raconté ça sur les internets, mais. Ça disait en gros que tous les morceaux d'Ultraviolet, il est en train de les balancer un par un pour pas les gâcher, pour créer un nouveau buzz d'une certaine façon avec des morceaux comme ça qui arrivent un petit peu pour contenter les fans. Et en même temps, comme il n'y a qu'un seul morceau, les gens sont contents. S'il balançait tout d'un coup, ce serait ouais, pas au niveau ouais, mais pour quand, Jérôme, quand tu balances un morceau et qu'on te dit envoie l'album fils de pute sur 10 commentaires à la suite, bah ouais, mais ça c'est non, devenu c'est un mème, c'est devenu une blague en fait. Ouais, mais il doit être trop perfectionniste aussi, il doit, à mon avis, il doit libérer cet album qui sortira jamais de cette ouais, façon là et revenir avec quelque chose qui produit en ce moment, parce que ouais. entre temps il a changé quoi. Oui oui, après dans sa vie on sait pas, genre il parle, mais dans la vie tu sais, tu peux avoir des déconvenues incroyables. Je sais qu'il a eu un enfant déjà, ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai eu un bébé, je peux te dire que ça prend du temps. Donc voilà, et puis peut-être qu'il n'était pas satisfait de son produit, ouais. il peut avoir des problèmes avec sa maison de disques, des trucs comme ça. Peut-être qu'il bosse de ouf et qu'il bosse juste dans l'ombre et qu'on ne le voit pas. Peut-être qu'il fait des sons tout le temps. Il a 400 sons dans son ordi, et puis voilà. Mais bon, le truc, c'est pas d'avoir 400 sons dans son ordi et de rien sortir. Les balancer, quoi. Si t'as un public qui attend derrière. Moi, ce que je trouve dingue, et là où je vais le défendre, c'est que pour moi, je le pensais mort, en fait. Genre, plus de public et tout. Et en fait, petit à petit, il a été réhabilité, genre... en mode, bah en fait, Joke, c'était un des premiers à faire ça. Ouais, et genre, il y a ce truc. Bon, ouais, ça, c'est lié un peu aux médias rap qui l'ont bien défendu. Mais je suis pas trop d'accord. Il a inventé des trucs, hein, par contre. Il a quand même perdu sa hype. Il a amené un truc en France, en tout cas. Il a perdu sa hype de ouf aussi. Enfin, commercialement, disons, il a mal joué le coup, parce qu'il était honnêtement en 2014, là, quand il avait sorti. Qu'est-ce qu'il a amené en France? Non, c'est ça que tu vois pas, Simon. C'est que quand il a sorti son dernier album, c'était un flop. Non, son dernier album, mais moi je te dis en 2014 là. Ouais, Tokyo et voilà, ça. Ah oui. Là, ouais, honnêtement, il était quand même, il était en termes de notoriété, il était quand même assez haut en France. Je sais pas s'il était plus haut que maintenant. Moi, j'ai fait un de ses concerts. J'ai vu un de ses concerts à Paris. C'était pour à l'époque de Tokyo, je crois, ou Kyoto, un des deux. Enfin bref, c'est lequel où c'est qu'il y avait Mac Taylor sur le morceau avec Mac Taylor là, c'était Niro. Tokyo, c'était Tokyo le premier. Ouais, c'est ça. C'est quoi le premier? C'est Kyoto ou non, c'est le deuxième. Ouais. Je l'avais vu avec invité, il y avait 113 et tout qui était venu sur scène et tout. Il y avait la salle était complète. Hein. La salle était complète, mais je pense. Après, c'était pas une grosse salle. Je crois que c'était la Maroc. Après, il a un public, tu vois. Ouais, il a un public, mais un public d'internet déjà, beaucoup. Et après, par contre, moi je suis pas d'accord. C'est un bon rappeur et tout ça, mais je trouve qu'il a rien inventé en fait. Mais alors, c'est pas ce que je disais, hein. C'est juste ce que les gens disent aussi. J'ai lu, après je suis pas d'accord, mais par contre, il a une recette à lui, il a une façon de faire à lui et tout ça. Mais je préférais le joke, je pense, tu vois, de Tokyo et Kyoto que celui de Ateyaba, du coup, de l'album d'Ateyaba. J'avais moins kiffé, franchement, que les autres, que les EP. Ouais. Pourtant, et là, sur cet album, il a fait plein de choses qui maintenant cartonnent. Genre. Ouais. Ce que les d'autres journalistes ont pu appeler ses petits et tout, c'est vrai qu'ils ont puisé dans Ateyaba. Ouais. Quand il a commencé à faire des trucs plus chuchotés, plus chill, plus... Ouais, mais dans le chuchoté, dans ce cas-là, il a écouté Ying Yang Twin, le Whisper, c'est était en 2010. Enfin, ouais, sais rien, même pas en 2008. Donc, tu vois ce que je veux dire, il a rien inventé, c'est pas le problème. Il a su l'utiliser, ça, je suis d'accord. Ça, c'est le français, de toute façon. Ouais, bah oui, quand Booba dit qu'il a inventé l'autotune, j'ai tous m'en rigolé. Hein. Mais, voilà, après, c'est pareil, c'est pour tout. C'est la France, c'est normal, c'est un autre débat. Ouais, on va écouter le morceau. On va écouter le morceau. Et puis... puis voilà, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on fera dans une prochaine récolte, il y aura encore un morceau d'Ateyaba et puis on n'aura toujours pas d'album. Un dernier truc juste sur Ateyaba. Si vous kiffez Ateyaba, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle Ultraviolet, une borne. Et c'est le site Mogopoly qui l'a sorti. C'est tout un focus et c'est tous les morceaux qui sont sortis en dehors des projets, des feats, des machins et tout ça, et ils l'ont regroupé et ils en ont fait un bootleg, voilà, un ultraviolet bootleg, et vous pouvez le télécharger. C'est pas mal pour les fans de, enfin pas fans forcément, mais les gens qui apprécient sa musique, c'est un bon petit un bon petit pack à choper. Ça marche. Synchronisé, négro. Négro d'office en finale. Jouis pas à ton signal. Ma poche, tu l'as rempli mal. Diamant dans la grande finale. Les négros sont dans la demi-heure. J'kenne cette bitches dans la semaine. J'colle un enfant dans ta meuf. J'te loge une balle dans l'abdomen. J'veux des destiny check. Couleurs sont mes initiales. J'suis en camo digital. J'vends du crack comme PD crack. Secoue-moi ça, j'suis le meilleur ou j'assave. J'crache une rasade dans ta façade. J'veux que le finish, fuck un massage. Wow. Thank you. J'pull up sur Saint-Honoré, genre une grosse lasse colorée. Ma petite sent comme Saint-Laurent, Rolls Royce et j'la ken dedans. J'attaque, j'mets jamais de gants, tu fais que chauffer le banc. Toutes mes bitches sont en Ligue 1, j'suis plus fort qu'un Américain. Puis tu frais comme la Toundra, nique sa mère faire de la Zumba. Tu me suces mais tu l'assumes pas, j'roule mon blunt, j'rentre en ultra. Jeune négro bol comme Bouddha, revois ton Kama Sutra. Inch'Allah j'pèse comme Oprah, j'évite comme Deepak Chopra. Jeune négro rap comme Roca, et la chance me provoqua. Oui bitch, oui bitch. Prends des risques bitch. Got hella out, got two tons. On to the next one, had to test one. Got two guns and a dope pump. On to the next one, and the next one, and the next one, and the next one. On to the next one, and the next one, and the next one, and the next one. On to the next one, and the next one, and the next one, and the next one. On to the next one, and the next one, and the next one, and the next one. Vous êtes bien dans les bons crus avec une petite virgule où c'est pas du Q-tip. Et c'est du gros migos. Et du coup, on apprécie. On a écouté pas du Q-tip non plus, puisqu'on a écouté Pee Wee Longway avec Money Man. C'est un album qui est sorti, c'est un album collaboratif qui est sorti du coup le 4 octobre qui s'appelle Long Money. Et le titre c'était Next One. Et Money Man, c'est qui du coup? C'est un groupe? Non, non, non. En fait, Money Man, c'est un rappeur d'Atlanta. Il a sorti quelques hits. Alors, c'est hits. Ça s'appelle Boss Up, How It Feel et Train Me. Tu écouteras. Mais c'est un rappeur qui a pas été actif après pendant le moment parce que c'est un rappeur homme d'affaires. Pour te dire quand même que c'est pas non plus une truffe, puisque il est fondateur, il était à l'époque fondateur de Cash Money Record avec Birdman quand ça a ouvert. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc ça doit être un bon copain à monsieur Pee Wee. Du coup, deux rappeurs d'Atlanta. Bon, Pee Wee Longway, on en a déjà parlé multiples fois. Ouais, il fait le taf comme d'hab. Il est chaud et tout ça. L'album est vraiment pas mal, un peu de chill, un peu de guerre. Mais les prods sont efficaces, j'ai trouvé ça rafraîchissant, même si c'est pas la sortie de l'année. Mais ça me fait toujours plaisir d'entendre Pee Wee Longway sur des morceaux, donc du coup je prends. Donc à mon tour, moi j'avais envie de vous passer un morceau de Currency. C'est pas du Q-Tip, mais c'est chill aussi. C'est bon, ouais, Q-Tip, c'est enfin Currency, c'est quand même autre chose. Hein. Ouais, Currency, d'accord. Donc rappeur de la Nouvelle-Orléans qu'on présente plus. C'est un peu le mec qui a le run. C'est le coureur de fond, quoi. Il sort des mixtapes tout le temps. Il est consistant, constant. Il a développé son propre style. Ouais. Et d'ailleurs, Nouvelle-Orléans, voilà, Cash Money, tu parlais. On se rejoint. Il a sorti une mixtape qui m'a assez marqué parce que d'habitude, ces projets, bon, il y en a tellement, tu pioches un morceau par-ci, par-là. Et là, au mois d'août, il sort Hot August Nights. Donc, toujours avec son imagerie drive-in, voiture de collection. Voilà, c'est son truc. Le côté rétro. Lui, il adore les voitures et il adore fumer. Voilà. Je n'ai rien à lui reprocher à cet homme-là. Et de plus en plus dans ses clips, ça c'est un peu, il rentre un peu dans les clichés, mais il y a des stripteaseuses un peu partout. Mais bon, ça c'est un autre truc. Avant, il était moins dans ce truc-là de le mettre en avant. Maintenant, cette EP, je trouve qu'il est. Mais d'ailleurs, je l'avais déjà remarqué sur celui qu'il avait fait avant avec Alchemist et Freddie Gibbs. T'en avais parlé d'ailleurs. Où je trouvais qu'il. De Marina, là. Il s'était. Non, c'était ça, c'était avec Harry Fraud. Mais tu sais, il en sort tellement. Il est trop productif. Moi, avec Freddie Gibbs, ils avaient fait un EP à 3, Freddie Gibbs, Alchemist en production et à Currency. Ah oui, et là, il s'était mis au niveau de Freddie Gibbs un peu à essayer de rapper, à être un peu plus énervé, un peu plus rapide, des flows un peu moins laid back et tout. Ouais. Et là, on le retrouve. Avec ce titre, la Must Admit, où en gros il dit en fait c'est moi je suis le gars quoi, je dois l'avouer en fait je suis au top quoi, je dois et je trouvais ça hyper fort comme cette manière d'amener totalement décontracté le fait que il est devenu un boss l'air de rien dans l'underground sans péter comme ça dans les radios dans les trucs, c'est devenu un boss qui roule sa bosse voilà okay, et qui cartonne et voilà et là il va sortir avec son crew qui remet sur le devant de la scène les Jet Life un album collaboratif qui sort demain, donc je voulais en parler aussi. Le morceau là vous allez voir moi je kiffe, je le trouve très chaud dessus et voilà voilà ce que je voulais dire. Je reparlerai moi je pense que je ferai un focus sur sa carrière dans une prochaine émission, mais on peut dire que Currency c'est ta Madeleine de Proust quoi. c'est un peu ça on parle souvent dans l'émission depuis 2009 je le suis depuis les Pilot Talk et t'as tout écouté ou pas quasiment, après il y a des trucs chaud, il est chaud. Y a une année où il a sorti un projet par mois, là j'ai pas tout écouté j'avoue que là mais tous les ans j'écoute au moins 3-4 albums de lui. Tu te rends compte, on peut écouter 3-4 albums de lui qui sont bien. Et puis dès que c'est collaboratif avec un producteur en particulier, genre Alchemist, Harry Fraud, pour moi là c'est de la crème pour les oreilles. Quoi. Il est peut-être plus cadré en fait avec un producteur. Ouais, parce que le producteur fait la direction artistique, lui il a juste à se concentrer sur le rap. T'imagines Currency avec Juicy J, ça doit être incroyable. Ça ferait un sacré mix en vrai. Je pense que ça serait mortel. Je pense que ce serait un mix de ouf. Et Currency Lil Wayne jamais existé. Si, il y a des morceaux, mais il a fait pas. Il a été. Non, mais un album collaboratif, je parle. Ah non, vu qu'il fait pas mal de collaborations. Mais ils ont été sur le même label, donc il y a eu. Par contre, un album collaboratif, je sais pas. Bah, entre mecs de New Orleans. En tout cas, ils ont plein de featuring. Hein, ouais. On pourrait faire une compile. C'est parti. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. Don't let nobody tell you different. You must admit I am that nigga. You must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. Get in my car, I rev my engine. I let them hear the monster in it. I got big homies in prison. I think of them when I be dipping. I like Chevys on switches. I like Babesters on my bitches. Take my lady out to dinner. We sitting in the booth by the window. A couple chicks ask for pictures. She secure with her shit, she ain't trippin'. I got homies who be pimpin'. I got homies who be killin'. I take them on the road with me. Show them how to get these legal millions. Then I show them they can get it. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. Don't let nobody tell you different. You must admit I am that nigga. How many you know bought this many bandits? Still got them all, didn't sell any. Rose gold rollie, that's a pretty penny. No identity crisis, no switching images. I've been the same stone G since I stepped in this bitch. Now I'm triple OG, I got my membership. You can't get into this, cause we don't fuck with some. We bring that money in. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. Don't let nobody tell you different. You must admit I am that nigga. You must admit I am that nigga. Bought this many Benz, still got them all, didn't sell any. Rose gold rollie, that's a pretty penny. And I never switched my ends. Been the same one since I stepped in. I must admit I am that nigga. I must admit I am that nigga. Q-Tip à la prod, bien sûr, de cette magnifique là, virgule. Crois-le, ouais. Avec des charlés comme ça, des 808. Non, non, non, pas de Q-Tip, pas la moindre seconde de Q-Tip. Ce que du UGK, on apprécie bien ouais, on bien apprécie plus. T'as de la chance que nous aussi, on apprécie bah ouais, bah, tu... Franchement, si t'aimes pas One Day... On adore. Jette-toi du 10e étage, hein. C'est terminé, hein. Bon, ben on arrive à la fin de cette émission. C'était cool de reprendre ouais. Avec cette récolte. C'était engagé. Engagé, ouais, fallait bien. Bon, écoutez Danny Brown, hein, c'est ouais. Ce qu'il faut retenir de l'émission. Mais par contre, mais en plus, j'adore Danny Brown. C'est juste que, en fait, je pense que ça m'a frustré, tu vois, de ouais. Que ça soit. De toute façon, on peut bien le voir, il y a quand même des avis différents dans l'équipe. Donc, allez vous faire un avis bah, sur ce qu'on sûr, a, sur évidemment. Tout ce qu'on a dit, et puis. Ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez jamais. Un petit ou alors écoutez tout le monde, quoi. Mais. Un petit dernier morceau là, donc pour finir l'émission. Donc, ouais. Julien, tu nous avais on amené. On fait rapide. K-Supreme avec Chase the Money, ils ont fait un album collaboratif. Ouais, Chase the Money, j'adore ce ouais, producteur. Voilà. Qui est donc ouais, Chase the Money. Chase voilà. The Money. Mais d'ailleurs, il sait qu'il a été connu grâce à presque enfin ce tag reconnaissable entre mille. Ouais, c'est clair. Donc Chase the Money, producteur de Saint-Louis. Tout le monde voilà, il est connu pour ses prods pour Vali entre autres. Bah oui, c'est comme ça, moi je l'écoute ça en boucle, c'est et Z Money. Ouais. Les deux là, ils sont très chauds. Exact. Et puis avec K-Supreme, qui est en fait un pote de lycée de Lil Yachty. En fait, c'est un mec qui est né en Californie, mais il est arrivé à Atlanta en 2013 quand il était au lycée. Il a créé un collectif qui s'appelle Sailing Team avec Lil Yachty, entre autres. Ouais. Voilà, dès sa première mixtape, en fait, il est arrivé direct avec Chief Keef dessus, Rich the Kid et Yachty. Ça a pété dès le début. Et là, c'est donc cet album collaboratif. Ok, ben on envoie ça, on vous dit à jeudi prochain. Le titre, Gucci Cologne. Ciao. Salut. I smell good, Gucci Cologne. I don't wanna fuck, give me some dome. She just be thirsty, blow on my phone. Mother gay with the Glock, let's get it on. Freestyle shit, I don't write my songs. 30 clip, hang out my jeans and it's long. Razor cream bagel, can't fuck with the bongs. Yo bitch in my bed, I ripped off her thong. Smoking on Gucci, strong. With a bad bitch and a friend tag along. I smell good, Gucci Cologne. I don't wanna fuck. give me some dome. This bitch be thirsty, blow on my phone. Mama gay with the Glock, let's get it on. Freestyle shit, I don't write my songs. 30 clip, hang on my jeans and it's long. Long green bagel, can't fuck with the bones. Yo, bitch in my bed, I ripped off her thong. Smoking on Gush, it's strong. With a bad bitch and a friend tag along. I miss Balenciaga with the V-long. Fuckin' that bitch and I tell that bitch be gone. Call me a new chain, that shit gon' be two-tone. Mixin' the white with the color stones. Redo your bitch like Rosetta Stone. In the back of my jean, got them ice cream cones. Fuck on a thick bitch, red bone. I'm in her throat long. Bitch, she shaking ass to my song. My gun and blow line like a trombone. I won't touch you back even though I got two phones. Hoppin' and coopin' the roof gone. Flex on these niggas, I'm too strong. Can't touch these bitches, you know they gon' do wrong. I'm going hard like I'm Armstrong. Up in the trap, getting money is where I belong. I smell good. Gucci cologne, I don't wanna fuck. Give me some dome. Bitch, bitch be thirsty, blow on my phone. Marvin Gaye with the Glock, let's get it on. Freestyle shit, I don't write my songs. 30 clip, hang out my jeans and it's long. Where's your cream bagel, can't fuck with the bones. Yo, bitch in my bed, I ripped off her thong. Smoking on Gush, it's strong. With a bad bitch and a friend.